Surtout que personne ne conduise une voiture avant 24 heures. Prenez la plume noire, écrivez! Je vous donne la primeur du feuilleton!